je t'en supplie. Je t'en supplie. Sans toi se brise ma vie. Brise ma vie. Car si s'achève la romance. Si la romance. Alors je n'aurai plus de chance. Non plus de chance. Oui, si tu es là, c'est tout cet amour d'un air de tuer. Oh, oh, oh. Celle qui vient, c'est la plus belle fille de tout le quartier. Et mon plus cher résiste à lui parler. Elle a guiche mes amis d'un air futé. Pourtant pour elle j'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille là mon vieux, elle est terrible. Around the limb o'clock, jack the limb, jack the quick. Bye.